Le soleil se lève sur la ville, faut faire les bons choix. On vit une fois, on meurt une fois. La liberté n'a pas de prix, chacun son fardeau, sa croix. On a les pieds sur terre, encore vivant, c'est déjà ça quoi. Et ouais, on est là. Faut qu'on se justifie à chaque fois. Plus de haine, d'embûches, d'obstacles. Plus de coups de crasse, de tacles. Encore vivant, c'est déjà ça. Ça continue, c'est marche ou crève, y'a pas de trêve. Si la nuit s'achève, c'est que le soleil se lève. Même si la misère crève l'écran, j'irai au bout de mes rêves. Ça, j'avance à pas de géant, ça sent la patate. À tous les coins de rue, les jeunes font des thunes et ne rêvent que de faire fortune. Ça lasse ma plume sans balle, ça me laisse immobile sans voix et me rend sans foi ni loi. Les gens se compliquent l'existence, on s'égare. SOS, besoin d'assistance, c'est dur de faire sa place quand on cumule les handicaps. Quand on a le profil d'une petite frappe, faut slalomer entre les vendus et les assistés pour pouvoir s'imposer un jour, être accepté. Persévérer sur le droit chemin, je suis convaincu, pas vaincu, on peut influer sur son destin. Le soleil se lève sur la ville, faut faire les bons choix. On vit une fois, on meurt une fois. La liberté n'a pas de prix, chacun son fardeau, sa croix. On a les pieds sur terre, encore vivant, c'est déjà ça quoi. Et ouais, on est là. Faut qu'on se justifie à chaque fois. Plus de haine, d'embûches, d'obstacles. Plus de coups de crasse, de tacles. Encore vivant, c'est déjà ça. Je veux profiter sans être vex, vivre à fond si la vie est complexe. Faut se mettre à hauteur de ses ambitions avant que la mort nous fauche. Faire un max, esquiver la fourche des diables qui te donnent, pas tomber dans la fosse. À force on vit et on s'use et les cerveaux s'échauffent. On est parfois bancal car on part comme on se chausse. Mais j'ai 30 verges passées, je suis toujours là, entière et trentenaire. Merci à ceux qui m'a emmené là. Je fais toujours ces rêves de foule à mes concerts. Que l'humanité se rebelle, d'être sereine, que ma mère se révèle. Je veux un monde meilleur et faire péter les décibels. Je repense à mes meilleures années. J'espère que les autres sont aussi belles. Je garde espoir parce que j'ai pas le choix. Je me dis que la vie n'est pas si triste. Je cherche un chemin et garde la foi. Au moins j'aurai fait l'expérience de l'existence. C'est une chance ma foi, on ne vit qu'une fois. On ne meurt qu'une fois. Le soleil se lève sur la ville, faut faire les bons choix. On vit une fois, on meurt une fois. La liberté n'a pas de prix, chacun son fardeau, sa croix. On a les pieds sur terre, encore vivant, c'est déjà ça quoi. Et ouais, on est là. Faut qu'on se justifie à chaque fois. Plus de haine, d'embûches, d'obstacles. Plus de coups de crasse, de tacles. Encore vivant, c'est déjà ça. Faire les bons choix, c'est difficile. Et des fois, j'en perds le fil. La tête dans les nuages sur terre. Hip-hop indélébile. Amer comme une lionne en cage. Plus de lutte, donc plus de rage. Les mots sont noirs ou blancs, pas de juste milieu. Chez moi, c'est oui ou non, les têtes on verra, je connais pas. On vit qu'une fois, on meurt qu'une fois. J'avance et je pars, replace mes pas. Encore vivante en secret, c'est déjà ça. Appelle-moi la petite sœur des pauvres. Je suis en bas de chez toi, proche de la précarité. Le genre de cassos qui souvent se brosse. La vie chamboule mes espoirs. Faire les bons choix, Mourad, c'est vrai que c'est dur. Le soleil se lève sur la ville, faut faire les bons choix. On vit une fois, on meurt une fois. La liberté n'a pas de prix, chacun son fardeau, sa croix. On a les pieds sur terre, encore vivant, c'est déjà ça quoi. Et ouais, on est là. Faut qu'on se justifie à chaque fois. Plus de haine, d'embûches, d'obstacles. Plus de coups de crasse, de tacles. Encore vivant, c'est déjà ça.